Mireille Kanyang. Merci Madame, Monsieur de nous rester fidèles. Bonsoir, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici la charpente. Célébration ce mardi en province Ngozi de la Journée mondiale de l'enfant africain où l'UNICEF a annoncé que plus de 6 enfants sur 10 se sont privés d'au moins 3 droits essentiels dont la nutrition. Les travaux de pavage de différentes rues du chef-lieu de la province Changhuzo sont presque aux arrêts. Le gouverneur de la dite province déplore la lenteur affichée dans l'exécution de ces travaux. La régie de production pédagogique souffre de l'insuffisance de moyens financiers et l'incapacité de certains de ses employés, a répondu ce mardi le ministre de l'Éducation quant aux inquiétudes des députés sur la capacité de la régie de production pédagogique RPP. Vous aurez les précisions dans cette édition mise en onde par François Akimane. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore une fois. Plus de 6 enfants sur 10 au Burundi sont privés d'au moins 3 droits essentiels, dont la nutrition et la protection, malgré les efforts déjà déployés par le gouvernement burundais en faveur de l'enfance. C'est ce qui ressort de la déclaration du représentant adjoint par intérim de l'UNICEF au Burundi ce mardi 17 juin à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant africain sous le thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant ». De son côté, la ministre des Droits de la Personne Humaine, Imelda Sabushimike, a réaffirmé que le gouvernement burundais ne ménagera aucun effort pour collaborer activement avec tous les acteurs engagés en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Une information que nous devons à notre reporter Onela Mucho. Et la coalition éducation pour tous, Bafashewige, trouve qu'il y a encore des défis qui minent le secteur de l'éducation malgré les efforts du gouvernement, s'exprimant au cours d'une conférence de presse ce lundi à l'occasion de la journée dédiée à l'enfant africain. Mélance Kirura, secrétaire générale de cette coalition, est notamment revenue sur le pléthore dans les écoles, ce qui diminue la qualité de l'éducation. Suivez. Au niveau des écoles, ça dépend du taux brut de scolarisation dont vous parlez. Par exemple, on peut parler du taux brut au niveau du primaire et au niveau du secondaire. Je peux vous donner quelques chiffres. Peut-être qu'au niveau des données, nous pouvons ne pas avoir des données actualisées, mais quand même, au niveau du primaire, beaucoup de classes ont des effectifs très nombreux. Vous voyez que dans l'éducation, le gouvernement fait tout, mais vous voyez que les défis restent. Au niveau du primaire, on connaît actuellement que le taux de scolarisation brut dépasse plus de 100%, donc ça se situe au niveau de 118% au niveau du taux brut de scolarisation au niveau du primaire. Mais au niveau du secondaire, par rapport à l'évolution du temps, on connaît qu'aujourd'hui, le taux de scolarisation au niveau du secondaire, c'est 41%. Donc, elle est restée stable. Ce taux de scolarisation de 41%, c'est vers les années 2022-2023. On n'a pas de statistiques actualisées. Poursuivons avec cette édition avec les infrastructures, les travaux de pavage des routes se trouvant au chef-lieu de la province de Changhuzo, qui avait débuté cela fait plus de 2 ans, sont presque aux arrêts. Les requérants de différents services au chef-lieu de cette province disent avoir des difficultés de déplacement suite aux matériaux de construction entassés dans différentes rues. Boniface Bagnéza, co-gouverneur de cette province, déplore la lenteur de ces travaux. Il est dit travaux devraient se faire sous 6 mois et pour 4 kilomètres, mais une distance de 2,5 kilomètres sera finalement pavée selon cette autorité provinciale. Le point avec Jean-Marie Mayonga de retour de Changhuzo. Certains habitants de la province Changhuzo disent être contents des travaux de pavage des routes. Précisément, nous sommes au chef-lieu de la province, à 200 mètres. Il y a le bureau du gouverneur. À gauche, nous voyons le bureau de la COPEC et un peu plus loin, il y a le tribunal de grande instance et l'hôpital. Dans ces routes en cours de pavage, des tas de pierres y sont entassées. Des caniveaux pour la conduite des eaux ne sont pas bien aménagés et dans d'autres parties, il y a du gravier déposé, ce qui perturbe la circulation. Ces habitants signalent qu'ils ont été ravis quand ils ont vu le début de ces travaux de pavage. Nous étions tous satisfaits quand nous voyons ces travaux de pavage commencent, car c'était un développement pour nous et c'était bon de voir des routes modernes. Ils ont commencé par ici, il y a plus de 2 mois. Ces tas de pierres déposées ici, je pense qu'ils viendront les mettre dans leur place. Nous voulons que les travaux continuent. Nous étions très satisfaits de ces travaux de développement, mais quand ils sont arrêtés, nous ne savions pas les causes. Cette femme déplore cette situation de trouver des pierres et des graviers entassés ici et là dans ses avenues, alors que tout autour se trouvent différents bureaux de services administratifs. Vous trouvez que ces routes sont proches des bureaux administratifs? Cela nous facilite. Là-bas, il y a la province, à côté, il y a Copec, un peu loin, il y a le tribunal de grande instance. Si ces routes sont pavées, c'est notre plaisir. Quand il a plu, c'est difficile de traverser à cause de boue. Si tu veux aller à la province, tu vas et tu reviens étant propre. De même que pour aller au tribunal, tu restes toujours propre. Boniface Banyezako, gouverneur de la province Changuzo, indique qu'ils ne sont pas satisfaits par rapport au déroulement des activités de pavage. Aujourd'hui, donc, on ne peut pas dire que la population est satisfaite de ce projet de pavage. Plutôt, elle s'inquiète parce qu'elle voit réellement qu'elle a été mentie. Donc, on aimerait que les activités avancent. Ces activités se terminent en bon et due forme. Ils nous demandent pourquoi les activités n'avancent pas. On explique que c'est parce qu'il n'y a pas de carburant, il y a un problème lié au budget. On avait promis à ce qu'on fasse au moins environ 4 km. Après, on a évalué, on a jugé pour faire 2,5 km. Le projet de pavage des routes se trouvant au chef-lieu de la province Changuzo a débuté il y a 3 ans et devrait être achevé dans 6 mois. Jean-Marie Mayonga, parlons encore infrastructure, l'avenue Nyangoni et d'autres infrastructures environnantes au quartier Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura, sont menacées par un ravin en provenance de la rivière Narangwa. Alain Bakundu, qui est un des élus locaux, tout comme les habitants de cette localité, tire une sonnette d'alarme dans le but de prévenir des dégâts matériels et humains. Une information que nous devons à Stella Ndaishimi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 18h03 dans le studio de la radio Isanganiro. La cellule de gestion des marchés publics ne disposant pas d'un règlement d'ordre intérieur, la non-délimitation des propriétés foncières et l'insuffisance du personnel sont certaines irrégularités constatées dans la gestion des prisons du Burundi en général et particulièrement dans les prisons de Gitega et Bururi. Ceci ressort du rapport d'audit définitif de la Cour des comptes sur la gestion de la Direction générale des affaires pénitentiaires CAD de ces deux prisons. Au cours de la présentation de ce rapport ce lundi à l'Assemblée nationale, des élus du peuple ont recommandé la délimitation de ces prisons et l'augmentation de l'effectif en personnel. Le point avec Clovis Niyonkuru. Ce rapport définitif d'audit de la gestion de la Direction générale des affaires pénitentiaires montre que la cellule de gestion des marchés publics ne dispose pas d'un règlement d'ordre intérieur, irrégularité dans la composition des commissions de réception des marchés. Pour cela, la Direction générale des affaires pénitentiaires n'a aucune justification. La Cour des comptes demande de doter la cellule de gestion des marchés publics d'un règlement d'ordre intérieur. La Commission de la bonne gouvernance et de la privatisation au sein de l'Assemblée nationale estime qu'il y a violation du code des marchés publics, ce qui entraîne le manque de la transparence dans la gestion des marchés publics. Concernant l'irrégularité dans la composition des commissions de réception des marchés, la Cour des comptes demande qu'il y ait le respect de l'effectif, c'est-à-dire au moins 3 membres. Ce rapport indique aussi que les propriétés foncières des prisons ne sont pas délimitées. La Cour des comptes trouve qu'il devrait y avoir la délimitation de ses propriétés foncières. Quant à la commission de la bonne gouvernance et de la privatisation, il y a risque de conflit lié à la non-délimitation des propriétés foncières des prisons entraînant un problème de sécurisation foncière de ces derniers. Il y a aussi l'insuffisance des membres des personnels des prisons de Gitega et Bururi par rapport au volume du travail lié à la gestion des détenus. Cette commission demande d'accroître l'effectif et en personnel des prisonniers et procéder au remplacement systématique des départs du personnel. Clovis Nyonguru, restons à l'Assemblée nationale pour parler de cette présentation ce mardi d'un rapport d'audit de la Cour des comptes réalisé à la Régie de production pédagogique RPP. Des parlementaires ont soulevé leurs inquiétudes quant à la faible performance de certaines institutions publiques à satisfaire le marché national. Cette régie, disent-ils, n'a pas pu produire les livres en quantité suffisante. François Avialimana, ministre de l'Éducation, a expliqué le faible rendement de la RPP par l'insuffisance des moyens financiers et l'incapacité de certains des employés de la dite régie, une information que nous devons à Claude Itangishaka. Et 35 filles ont abandonné l'école suite aux grossesses précoces en milieu scolaire en province de Kayanza au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire en cours, selon le conseil chargé de la planification et des statistiques au bureau provincial de l'éducation en cette province. Nepomucene Rubelintwari explique que dans le but d'éradiquer ce fléau, le gouvernement du Burundi appuyé par l'UNICEF est en train de créer des clubs de sensibilisation en milieu scolaire et de mettre en place des tentes et des PR des écoles. Dans ce sens, les directeurs des écoles apprécient positivement cette initiative. Un reportage signé Évariste Nzikobanyanga. Certains des élèves des écoles en province Kayanza disent avoir déjà compris que les grossesses précoces en milieu scolaire sont à bannir. Marine Sengiumf, élève au lycée Kayanza, indique que la victime de la grossesse précoce fait face aux difficultés énormes. Pour me protéger contre ces grossesses précoces, je laisse les rapports sexuels et le copinage. Les conséquences est que si tu es victime d'une grossesse précoce, tu abandonnes les études, tu fais face à une mauvaise vie et ton parcours s'arrête par là. Même son dos cloche avec les élèves garçons qui parfois sont auteurs de grossesse à milieu scolaire. Nyukuri Eloi étudie à l'Ekoforu Ganza 2 en commune Kayanza. Notre avenir est sur le banc de l'école. Si tu es victime d'une grossesse précoce, tu es chassé de l'école. Je demande à mes amis de l'école d'éviter tout ce qui peut les compromettre, le copinage y compris. La compréhension de cette lutte contre les grossesses en milieu scolaire est le résultat des sensibilisations faites par les clubs en milieu scolaire et la mise en place des tentes et pères des écoles, un programme initié par le gouvernement du Burundi sur l'appui de l'UNICEF. Dagdjiman Aster est l'enseignant et père de l'école à l'Ekoforu Ganza 2 en commune Kayanza. La première méthode qu'on conseille à nos éduqués, c'est l'abstinence. C'est ce que l'on met en avant par rapport à l'usage des préservatifs et l'on se conforme à la religion pour montrer à ses enfants que l'utilisation des préservatifs est un péché et que le péché est la source du mal. Les directeurs des écoles de Kayanza apprécient positivement le programme du gouvernement de zéro grossesse en milieu scolaire qui a déjà un impact positif. L'exemple est celui du lycée de Kayanza, comme l'indique son directeur Claver Hakizimana. Effectivement, dans les années passées, le lycée Kayanza était cité parmi les écoles dans lesquelles on pouvait observer ces grossesses. Mais je voudrais vous signaler que depuis le début de cette année scolaire, nous n'avons enregistré aucune grossesse ici au lycée Kayanza. La pauvreté dans les familles est l'une des causes de grossesse en milieu scolaire, selon le conseiller chargé de la planification et des statistiques au bureau provincial de l'éducation en province Kayanza. Ruvenoua Nepomucene explique qu'une fois une grossesse signalée chez l'élève, l'on saisit la justice pour traquer l'auteur si une fois il s'agit d'un enseignant. Il y a aussi les sanctions légales. Ici, on applique des lois contre les rapports sexuels avec des mineurs. Et des fois, on arrête et poursuit des auteurs, y compris les enseignants, les motards, les commerçants impliqués. Ce cadre du bureau provincial de l'éducation à Kayanza indique que les grossesses en milieu scolaire diminuent sensiblement. Il indique qu'elles sont à 35 au cours des deux premiers trimestres de cette année scolaire en cours, alors qu'elles étaient à 37 l'année scolaire passée en cette même période. Radio Isanganiro, chronique santé.